Je pense que le peuple malinois est nécessaire. Nous avons ailleurs en Afrique le peuple du Congo, RDC aussi, qui lui aussi s'est révolté, a demandé le départ de la MINUSCO. Mais on a tiré sur eux, par contre, évidemment. Et je n'ai pas vu d'enquête précipitée de l'ONU pour aller mettre la main sur ceux de la MINUSCO qui ont tué le Congolais. Vous voyez? Donc là, on parlait tout à l'heure de cette Aminata Diko, une traîtresse. Et également la France qui fait contre-feu. Le Mali a présenté contre la France à l'ONU un dossier qui n'a toujours pas été soumis pour être examiné. Un dossier qui montre la collusion entre les militaires français, donc l'État français, et les terroristes. Afrique Média, le monde, c'est nous.